Allah est mon Dieu, Sidna Muhammad est son prophète, que la paix et la prière soient sur lui. Le Coran est ma loi, l'islam est ma foi, c'est la voie de la félicité et la meilleure cause de la victoire. Rappelez-vous Dieu, rappelez-vous son prophète, par maintes rappels. Que ce chant soit au service de la providence et de l'islam.